ma terreur, mais je pense que c'est moyen quand même. Il est signé. Avec les cons qu'il y a là, c'est con, on va s'en occuper. Laurent Malouda. On n'est pas près de la rentendre celle-là. On te ferait bien un nouveau jingle, mais le Florent Malouda de Jalo, c'est quand même c'est surtout chiant, qu'il va être collector hein, bientôt. Hein. Malheureusement, salut les filles. Salut Daniel, salut Polo, l'Axrom Berlin du studio. Hein, ça va les gars, vous êtes en forme? On a perdu Daniel, bon c'est pas grave. Alors, Polo évidemment à l'Allemagne. Alors déjà, on va d'abord revenir sur une phrase magique de Polo. Alors attention, écoutons, c'est très bon. Hein. S'il y a bien, je pense, aujourd'hui un pays en Allemagne qui travaille bien au niveau de la sélection, mais en amont avec les clubs, c'est l'Allemagne aujourd'hui. S'il y a bien un pays en Allemagne qui travaille bien au niveau de la sélection. C'est le mec, il est même pas auto-centré. C'est-à-dire que lui, dans l'Allemagne, déjà, il voit les différents pays. Il voudrait faire un championnat du monde de l'Allemagne, Polo. Bah, tu sais, c'est des Länder, hein, c'est des pays. C'est des Länder, c'est pour ça. Non, mais parce qu'il y a différents pays de l'Allemagne. T'as l'Autriche. T'as la Hongrie, t'as l'Allemagne. La d'ailleurs, République tchèque. La République tchèque. Ouais, t'avais la Pologne. Oui, d'ailleurs, il y avait Allemagne A contre Allemagne B, là. C'était bien ce match-là. Allemagne, ils appellent ça Allemagne-Autriche, mais c'était sympa, les mecs, ils sont rentrés. Non, mais allez-y, venez, les gars. Ah, les gars, non, ça nous gêne. Non, venez. Ah, mais ça fait déjà 5 buts qu'on a marqué. Non, vas-y, fais-toi plaisir, mets-toi un 6ème, allez. Bah, puis reste déjeuner aussi. Quelle bande d'escrocs. Enfin, bref. Il nous a parlé encore de joueurs, mais alors sorti de nowhere que tu. Il manquait Wolfgang Burnaif, Olaf Wunderbar et Ümit Berzoglu, dont t'as pas parlé. Mais je pense qu'on devrait avoir de leurs nouvelles dans pas trop longtemps. Alors après, tu nous as dit que Ozil, il a un problème, à l'extérieur, il se cache. Non, mais t'as vu sa tronche à Ozil? Ah non, c'est Fred qui a dit ça. Non, mais t'as vu sa tronche à Ozil? Sans déconner. Mais si t'as vu sa dégaine de souris qui a chopé la myxomatose, tiré sur les projecteurs, toi? Non, mais franchement, mets-toi à sa place. Non, moi, j'avais un copain qui avait cette tête au lycée, quand il mangeait trop de sel, ça gonflait, on aurait dit un gremlins. Ben, Ozil, c'est pareil. Donc moi, je me comprends. Il a envie de se cacher, le mec, c'est normal. Sinon, on a eu un after assez génial parce qu'on a quand même parlé surtout basket. Hein. Vous étiez pas là, les filles, mais c'était quand même. Ah, si, on était là. Ah, déjà, mais vous êtes courageuses. Alors, Daniel a dit un truc formidable. Les joueurs français, ils ont des noms américains. Alors, les noms américains, c'est J'ai la balle, Séraphin, Noah et Boris Dio. Donc, ça, c'est américain, non, mais Daniel. Ça dépend comment tu les dis. C'est dit. Que Boris, il a dit non, Boris ça Dio. Ça dépend parce que quand tu l'entends, il dit Boris Dio. Ah ouais. Et après, non, mais c'est vrai que les Américains s'appellent tous Boris. Batum. Boris, Igor. Non, la façon dont ça tombe. Ça cartonne aux States. Non, mais t'as raison. C'est quoi, tu dis Vladimir, Boris et Igor. C'est les trois prénoms préférés des Américains depuis la guerre. Pas les prénoms, je te dis les noms. Ouais, les noms comme non, mais c'est pas. Non, mais t'as raison. Noah, c'est l'Amérique. Bah oui. Mais oui, Noah, c'est en Club N, c'est le même nom. Non mais arrête Séraphin, c'est l'Amérique. Mais là tu es de très mauvaise foi. Parce que j'ai sûr, justement dit que Séraphin était une exception. Ah oui d'accord. Que Séraphin Lampion ne collait pas dans ma démonstration. Séraphin Mickaël, j'ai la balle qui n'est non pas parce qu'ils disent pas comme ça. Ils font j'ai la balle comme ça. Si t'écoutes bien. Oui, font, peut-être j'ai trop écouté Georges Eddy. Ouais, t'écoutes trop Georges Eddy. Bien sûr, même quand il disait Dubuisson, c'était du buisson quand même. Dubuisson, c'est américain, Daniel? Pas Dubuisson. Ah, pas du mais buisson. Si c'est Bush. Sénégal, mais c'est Bush. Buisson, mais Mickaël, j'ai la balle. J'ai la balle. C'est américain, non, j'ai la balle. J'ai la balle. Ouais, au non, début, mais... je pense, j'avais pas compris que c'était j'ai la balle. C'est un Brésilien qui commente le basket en plus. Je suis pas fort en accent. Mickaël, j'ai la balle, à ne pas confondre, il n'est pas de la même famille que Florent Géléboule, qui joue en équipe de France et qui est milieu gauche. Hein. Florent Géléboule, qui devrait normalement disparaître bientôt de Lyon titulaire. C'est quoi ce rire, Fred? C'est mon rire de hyène. Alors, ça, mais non, garde-le, t'es superbe. Alors après, ça avec le basket. Je t'imagine bien sur ton canapé, Fred. Ah bah ouais, tu me connais les chansons. Mais moi, non seulement je l'imagine, mais je l'ai vu, moi. Ah bah et oui, je m'arrêterai là. Vous notez Didier donc, aussi, il y a pas longtemps. C'est pas vrai. À côté du tas de journaux jusqu'au plafond, là? Comment? À côté du tas de journaux jusqu'au plafond? Écoute, tout ce que je peux te dire, c'est que Patrick Kluivert à côté, c'est Sœur Thérèse. Après le reste, ça reste pour les initiés. On n'entend plus Fred, on a perdu Fred. C'est pas grave. Alors, non, au rugby, va, je suis là, je suis. On a parlé au rugby après, parce que c'est vrai que on s'est éclaté tellement, on s'est dit on va changer de sport. Alors, le rugby, ce sport qui, quand même, attention, passionne tout le monde, puisque c'est quand même, tu regardes le championnat de France, il y a des équipes, c'est des mégapoles des quatre coins de la France. Hein. Bayonne, Béziers, Clermont, Dax, Biarritz, donc forcément. Tu vois les problèmes avec le patron d'RMC, toi, RMC Sport. Ah bon, bah. Mmh, ah bon, parce qu'il aime le rugby. Là, tu vois les problèmes. Ah d'accord, ceci explique peut-être. Bref. Enfin, bref. En tout cas, pour les 10 personnes que ça intéresse, on en a parlé, ça c'est sûr. Alors, et les 5 pays qui jouent dans le monde. Comment ? Et les 5 pays qui jouent dans le monde. Oui, d'ailleurs, ouais. Non, mais ce qui est génial, ce que Gilbert il a dit, le rugby, ce qui est bien, c'est qu'on connaît la compo une semaine à l'avance. Non, mais je te rappelle que le rugby, c'est encore mieux parce qu'on connaît les demi-finales un mois à l'avance. C'est quand même beaucoup de sport. Eh, même en Australie, c'est le 10e sport. Non, mais c'est j'exagère à peine. Alors, c'est comme la chiffre. Quand ça serait que les Allemands jouent au rugby, tu vois, pas une équipe d'Allemagne en rugby. Mais je te l'avais déjà dit, hein, ils sont pas assez intelligents. J'ai déjà raconté cette anecdote. J'avais discuté avec des Allemands qui sont globalement assez physiques. Physique. Parce qu'en France, c'est Pétain qui avait beaucoup œuvré pour que le rugby supplante le jeu à 13. Mais Hitler, il préfère le hand. Entre autres. Et le problème c'est que la réponse scientifique que j'ai eue des Allemands, c'est que le ballon de rugby rebondit. Quand il rebondit, il va une fois à gauche, une fois à droite. Et les Allemands, ils peuvent pas le calculer, ça. Donc, ils comprennent pas. C'est sûrement toute la différence entre l'inné et l'acquis. Ah, c'est intéressant. Tout est dit. Enfin, tout ça pour dire que le rugby. Il y a quand même des alliés après 45 et en fait, ils récupèrent tous les sports américains. Donc, ils jouent au football américain. Vous étiez pour qui pendant la guerre froide? Ils jouent au foot américain, les Allemands? Ah, bah, ils jouent. Oui, je savais pas qu'il y avait une équipe de foot américain. Tu as dit, je te rassure, il y a des mecs qui jouent au rugby qui comprennent pas les règles non plus. Hein. C'est la base. Hein. Il paraît qu'il y en a qui sont. Ils trompent sur cette radio d'ailleurs. Mais on n'en parlera pas parce qu'on a envie d'avoir toutes nos dents. Bien sûr. Quand t'as déjà entendu Eric Dimeco parler rugby? Extraordinaire! Il s'en bat les couilles! Il connaît quelqu'un pour les matchs! Il s'en branle! Non mais lui, avec Dimeco, c'est un escroc, je le connais! Le mec, c'est ce qu'il fait la veille! Il lit Paris Turf, il lit des trucs comme ça, après il change les noms et il te fait tous les sports! C'est un escroc! Je vous rappelle de quelle ville il est, ce mec? Bon. D'Avignon! Ne me faites pas dire ce que je ne veux pas c'est dire! C'est vrai. La ville du théâtre. Oui, donc on a quand même eu le droit à la compo entière en plus de l'équipe de France, la purge, putain, alors qu'on en a. C'est quand même le match, je vous rappelle, c'est France-Japon, c'est l'équivalent en foot de Guignon-Brésil. Mais c'est pas grave, on fait semblant de s'y intéresser, c'est génial. Alors après, on a eu Roger Lemaire. Alors lui a dit, Daniel, que sur l'équipe de France, il mettait un point d'interrogation. Excuse-moi, Daniel, un point d'interrogation pour toi, est-ce que c'est Zeit, Frei, Gleich, Frei ? Là, tu mettrais un point d'exclamation à cette phrase ou un point d'interrogation ? Parce que d'interrogation. C'est interrogation, ça. Ouais. D'accord, donc c'était bon, t'avais raison. Et Roger Lemaire. Polo, comment tu peux supporter ces incessants raccourcis verbaux, ces consonances germaniques ? Le casard, mais pas parce que j'entends ça depuis à peu près depuis que je suis né. Je me suis dit, moi, j'ai résumé ça, c'est quoi, la France. Le petit franchouille qui regarde en fait ce qu'ils aimeraient être et qui seront jamais. C'est-à-dire allemand, te dire ? Bah oui. Monsieur, excusez-moi. Excusez-moi. Et Pelou, il y en a qui ont essayé. Permettez-moi, est-ce que votre grand-père a été prisonnier en Allemagne, monsieur ? Oui. Mon grand-père, je l'ai pas connu, donc je peux pas dire. Non ? Je peux pas dire. Moi, oui, non. Bah moi non plus. C'est pas pour autant que j'aime pas les Allemands. Bon. Mort. J'adore les Allemands. Moi, mort, pas prisonnier, mort. Ah bah dis donc, c'est glorieux, c'est la fête. Bah, je vous dis pas ce que j'aime bien, parce que... Ah, il est tombé d'un mirador, c'est ça, Gilbert. Bon, vous allez vous faire le chapitre de la victimisation, bon, là, c'est ça. Roger Lemaire, donc il nous a appris quand même que la force des joueurs de l'époque, c'est qu'ils savaient qu'ils savaient pas jouer au football. Donc, ils ont entendu, les mecs, ils doivent être contents. Et Roger Lemaire, qui était devant tout le monde en footing en forêt, il nous disait Olivier Dacour. Tu sais, puis il s'en vantait. C'est-à-dire que le mec, il avait 53 ans, 90 kilos. Il mettait la race à tout le monde, c'est un vieux mec tout lourd, et l'autre il s'en va, il se vante, l'autre il est content, il est d'accord pour te dire à quelle bande de branleurs c'était l'équipe de France Espoir. Et après on a enfin parlé de foot et de l'équipe de France. Et là notre ami Daniel, on va tous mourir, la France est foutue, donnez-moi une corde, Riolo. Qui avec un enthousiasme débordant nous a parlé des Bleus. T'imagines, monsieur, moi l'optimisme je l'ai entendu avant 2008 et avant 2010. Hein. Mais bien dans bravo deux, dans les deux cas la France devait gagner. Hein. Bravo. Non mais moi il y a pas d'optimisme, de pessimisme. Ça c'est des conneries. J'ose ça pas, c'est du discours. Imaginez. On vous a donné la parole, monsieur. Ça c'est du petit discours, c'est du bistrot. Moi on j'analyse, vous a donné je la constate. Parole. Non mais moi je me dis que si la France avait perdu, on l'aurait retrouvé devant le domicile de Laurent Blanc avec un lance-roquette habillé en Robespierre. L'autre. Donc on s'en sort pas mal. Et là non, surtout. Robespierre est loin d'être un modèle, oui. Tu sais. Pourtant, il coupait bien les têtes, lui aussi. Non, je déteste ça. T'aimais pas ça? Robespierre, pas du tout. Forcément, ne critique pas les mecs. T'aimes bien Robespierre, toi? Ça va pas, absolument pas. C'est que Robespierre, toi. Non, tu confonds. Robespierre et Néaras. Robespierre. Oui, il y a trois grands hommes qui sont là. Et Marat. Il y a Fred Armel. Non, on commence. Robespierre. Ouais. Gérard Rouillet, Frédéric Armel. C'est ce que je viens de dire. Ouais, bah alors Robespierre, non. Daniel Riolo, pour moi, il y en a plus qu'un. Il s'est pas arrêté là. Et les mecs, je vous dérange pas, non? Oui. Vous voulez un cocktail? Non, c'est Armel, évidemment. Daniel a dit qu'il ne supportait pas vraiment que Ribéry dise qu'il préfère la gauche. Et moi, je comprends ton énervement, Daniel, mais la campagne électorale n'est pas encore lancée. Moi aussi, d'entendre ça, ça me donne envie jouer de gerber. La gauche, il a dit. Ah, t'as dit jouer ? Non, lui. Ah bon, mais jouer. Toi, c'est, qui, c'est de, vous êtes de préférer la gauche. Non, non, c'était de jouer. Mais dis-toi un truc, c'est que déjà, il ne votera pas. Donc, tu ne risques rien. Et qu'est-ce que t'en comment mais qu'est-ce que c'est que ce mépris pour Ribéry ? C'est cet homme vote, peut-être ? Ouais, mais je sais je pas. Je l'imagine avec sa carte électorale, son urne. Moi aussi. Ouais, j'étais mal. Mais peut-être, hein, peut-être que je me trompe. Mais peut-être que. Est-ce qu'en Allemagne, on parle de Ribéry, de son QI football ? Il y a des blagues là-dessus ? On dit des choses ou... Oui, enfin. En fait. Les blagues de je fais pipi non, dans la serrure, ce qu'il y a, c'est qu'il y a encore. Il y a la saison qu'il a faite en 2008 qui était exceptionnelle et donc ils sont toujours restés un petit peu là-dessus. Non, mais en dehors de maintenant, ça, de la personnalité. Il parle allemand maintenant en plus. Ouais, il parle pas allemand. Il met trois mots de français dès qu'il met 10 mots d'allemand. Donc c'est un petit peu. Tu vois, le mot journal, il dit journal, il dit pas de Zeitung, quoi. Donc c'est quand même un peu compliqué. Maintenant, on sait tous qu'il est un peu limité. En Allemagne, c'est pareil aussi. Tous ceux avec qui j'interroge, c'est pareil. Ils disent bon, voilà, quoi, c'est pas une flèche, quoi. Ouais, mais moi j'ai peur que s'ils votent, ils votent pour lui. Ils comprennent pas vraiment le principe de l'élection. Mais bon, c'est pas très grave, c'est pas grave s'ils votent pas, on leur voudra pas. Après, vous avez parlé de Bernès, Jean-Pierre Bernès. Alors, est-ce que c'est un homme honnête ? C'est la question qui a été posée. Alors, moi, excusez-moi, mais Jean-Pierre Bernès, il a toujours été honnête. À chaque fois qu'il a promis de l'argent, il l'a donné. Hein, après, t'en fais ce que tu veux, tu le mets à ta banque, tu le mets dans ton jardin. Ça nous regarde pas, mais il a toujours payé, et j'ai les témoins. Un certain Jorge, un certain Christophe et un certain Jacques Glassman, qui malheureusement n'en a pas voulu. Après, c'est son problème. Les mondiaux d'athlétisme, personne n'en a parlé. Pourtant, le relais du Stade Rennais, hein, qui a perdu, le relais en rouge et noir, on nous a dit que c'était Trinité et Toboggan. Moi, ça m'étonnerait. Manjek, il y avait toute l'équipe. Mangan. Hein, ils étaient géniaux. Mangan, Apam, ils étaient tous et là. Et Montano. Et ces cons américains qui les ont fait tomber, c'est vraiment scandaleux. Après, je voulais parler aussi de. Bon, Lorixana, j'ai pas le temps. Hein. Ah oui, Gilbert, t'as vu le football féminin, ce qui s'est passé ? Quoi, 10-0 pour Lyon, c'est ça ? Non, non, l'événement. T'as pas vu ? Ben non, bien sûr, parce que tu t'en fous, tu m'étonnes. Parce que Gilbert, c'est un escroc. Le football féminin, ça l'a intéressé pendant un mois, hein, pendant la Coupe du Monde. Alors là, les gonzesses, moi, je me rappelle, c'était Gilbert, vous nous promettez, vous continuez de nous regarder après. Mais oui, bah ma ouais, chérie. J'ai 22 millions de 10-0 ce week-end. Mais bien sûr. Tu l'as regardé ce match-là, toi ? Mais bien moi, j'ai sûr. Vu les buts, mon vieux. Mais ouais, tu te fous de ma gueule ou quand t'en as plus rien à tirer du football féminin, t'es comme tout le monde. Et elles t'ont cru, les pauvres. C'est Gilbert, avec le football féminin, c'est un peu comme quand tu veux choper une meuf, tu sais. Tu dis, c'est que t'es mignonne, c'est vrai, tu le penses, mais oui. Mais tu m'aimeras après qu'on ait couché ensemble, mais bien sûr. Alors le mec, il la ramène chez elle, il lui fait son affaire, le lendemain matin, il veut se tirer, l'autre, elle fait « Gilbert !»« Oui, ma chérie, mais tu vas où, mon amour ?»« Mais je vais chercher des croissants !»« Mais il y en avait, mais il n'y en a pas assez !»« Ah, d'accord !» Et tu reviens. Et la meuf fait à Gilbert « Hé, c'est quoi ton corps ? C'est quoi ton portable ? Un Nokia ?» Et voilà. Et les autres, elles sont là. « Hé, tu nous promets qu'on sera aussi importante que la Ligue des Champions ?»« Mais oui, ma chérie !» Il n'y a pas eu un mot sur le football féminin depuis deux afters, sur lundi. Vous êtes d'accord ? Donc là, je pense à ces pauvres filles qui se retrouvent encore avec le string sur les godasses, encore penchées, de dos, et il y a Gilbert au loin qui s'est barré. Chapeau Gilbert, en remettant sa ceinture. N'importe quoi. Ah non, mais c'est un dégueulasse, et puis c'est tout. Quoi. Chanson. Alors, non, je voulais juste quand même, je voulais juste avant la chanson, d'ailleurs, je voulais parler d'un joueur d'Ajaccio. Dans la chanson, Ajaccio, j'ai vu leur mercato. Alors, je sais pas si vous avez vu le mercato d'Ajaccio, les noms, c'est Michael Charvet, Leti Ndiaye, Jackson Mendy, tu t'attends plutôt à ce qu'il fasse un dunk qu'une frappe des 20 mètres, mais bon. Et donc c'est officiel, le Gazélec, c'est pas Gazprom. Hein. Hein, c'est pas vraiment le même genre. Alors justement, il y a un joueur à Ajaccio qui est un breton pur jus, hein, qui est petit, qui est vif, qui est technique, et je voudrais lui rendre hommage avec une vraie chanson de marin. Allez, ça reprend les chansons ? C'est parti ! Oh. Yeah. C'est un petit ailier droit, haut comme un poireau. Iseo, Samaritano, Valbuena, en moins fort, en plus gros. Ça suffit pour jouer à Ajaccio. On chante à sa gloire de Valaconcarno. Iseo, Samaritano, 1m30 pour 62 kilos. Entre Mickey Mouse et un tonneau. Dribble, court, frappe du droit, au ras du poteau. Iseo, Samaritano, l'image peut faire la une des journaux. mettez en trop petit sur la photo. Le stade Casanova, c'est pas San Siro, Iseo, Samaritano. Te plains pas, au moins là il fait beau. T'aurais pu jouer à Jules Deschazeaux. C'est un favelier droit, droit comme un poireau. Iseo, Samaritano. Dis-toi que Diego, il était pas plus haut. T'es un peu El Pygmée des euros. Merci, bonsoir.